C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour Danny! Michel, qu'est-ce qui s'est passé à Chibougamau? J'ai oublié de te le demander avant de rentrer en onde. Ben, ce qui s'est passé, ouais, c'est que la semaine dernière, c'était notre grosse semaine là, pour tous les membres. Dans le fond, le Super Calcutta, okay, qui a duré toute la semaine puis qui s'est clôturé samedi. Dans une très belle journée. Ouais. On a eu 90 joueurs toute la semaine, des belles compétitions. C'était un gros, gros happening pour notre club de golf. Donc, une super de belle semaine la semaine dernière. OK. Puis, il n'y avait pas vraiment de gagnants puis de perdants, là, hein? Bon, il y a des gagnants, mais c'est une formule en Calcutta. OK. Je veux dire que l'équipe gagnante est l'équipe de M. Andrew Scapio, après 4 rondes, qui ont fini à moins 28. OK. Execo en deuxième position à moins 26. L'équipe de Stéphanie Desjardins et de Michel Lallemand. Oui. Donc, c'était serré. C'était un bon spectacle. Puis, c'est vraiment pour nous, là, la semaine, là, à ne pas manquer pour tous nos membres. Le championnat du club se déroule quand, hein? Va se dérouler dans 2 semaines, le 28 et le 28 à août. OK, on va surveiller ça de très très près, évidemment. Pierre-Alexandre Bédard aussi, qui est à Chibougamau, qui s'y dispute son premier tournoi professionnel aujourd'hui, à vie, là. Oui, c'est sa rentrée chez les professionnels. Ouais. Donc, on espère que ça va bien se dérouler, puis... C'est le début d'une nouvelle carrière pour lui. Oui, effectivement, on va surveiller ça de très près. Y a-t-il d'autres choses qu'il a souligné peut-être à Michel cette semaine? Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a la ronde des champions? En fin de semaine, c'est la finale, effectivement, de la Coupe des champions. Ouais. Donc, les 4 gagnants de chacune des 4 qualifications dans les 3 classes, dans le A, dans le 2B et dans le B, ça va se dérouler samedi matin. Et dimanche, c'est le tournoi des seniors, 60 participants en formule amicale qui vont jouer samedi l'Omnium des seniors. OK, on va surveiller ça de très très près, évidemment. Ça fait le tour pour moi pour cette semaine, Michel? Ça fait le tour des activités de la semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Voilà, c'était Michel Lallemand, le directeur général plutôt du club de golf de Chibougamau.